All around the productions. Je n'ai pas le style, le stylo et le flow ringard. Je ne veux pas finir comme Serge chez les Gainsbar. J'étais lunatique killer, je suis Papa Cisco, le tueur fou des rimes qui ferait effet à Sarko. Sache bien que le soir je ne fais jamais de prière. Encore aujourd'hui je dois lutter contre la misère. Mais moi qui tu veux au défi verbal. Le Pen, le Chevalier, Casanova prendront tous une balle. Rappeur, provocateur, violent et vulgaire. Aujourd'hui il en faut plus pour que je fasse un ulcère. J'ai mis un classique en 2001 dans ton Walkman. Scorpion Angel LP volume 2 dans ton Hallman. 16 ans, Toulon était mon QG. Dédicace à Rodéiac. Lycée Bonaparte était en feu, fuck ta Pontiac. Parental, advisory, explicite contact. Dédicace aux anciens de la 2D7 des premières STT. L'époque de l'AFF, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg. 2001. Nos premières armes lyricales dans une chambre. 2001. A tous ceux qui se reconnaîtront. La belle époque. 2001. 2001. Pour toujours et à jamais. 2001. Flashback dans le passé à l'époque du Marshall Mathers. J'avais des choses à dire pour évacuer ma peur. Personne n'a cru que j'allais devenir un braqueur. Tous les vendredis de la semaine et tu es au complet pour fumer le sampler. Dans la cellule 666 tu vas faire tes premiers pas. On t'annonce la couleur d'un classique avant tes derniers pas. Une spéciale pour la Corsica de Xavier. Général Xero te dira que la capitale est teintée. Avec ma petite bande on ne fait pas de contrebande. Alors pourquoi on nous fait chier avec ces flics et poulets? Arrête tes salades, on s'endort avec ta contrebasse. Initiation LP te réunit, 3MC cagoulé, la machine s'est mise en place sur les rails. Récite-moi un classique que tu destins des cailles. Ben Laden a fumé les deux tours aux USA. Laisse cette musique à fond alors tu laisses ça. Une putain d'époque la famille. Yeah, spécial dédicace à Mika, à Greg, Xav, Kevin, Flo, DJ Wick, Hichem, Lolo, PY, Gilles, Vince, le Hibou. Putain, ça me manque tout ça. L'époque de l'AFF, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg. 2001. Nos premières armes lyricales dans une chambre. 2001. A tous ceux qui se reconnaîtront. La belle époque. 2001. 2001. Pour toujours et à jamais. 2001. J'ai plus rien à perdre, je rappe pour ma famille et mes friends. La phrase mythique reviendra encore à la mienne. Salaud et salope, allez vous faire foutre. C'est sûr que les assos ne vont plus faire mouche. Je me rappelle du 36 A et B que je prenais. Des cours d'anglais ou d'histoire géo qu'on se faisait jeter. Des paroles rentrent dedans contre les femmes en mode parasite. Quelle est la différence, m'a valu des accusations racistes. Quand le Mordor est là, on se donne rendez-vous au banc. Comme dirait Booba, premier en sport et en chant. Des problèmes, j'en avais jusqu'au cou. Et quand ça part en vrille, j'allais jusqu'au bout. Sauvageant à l'époque, je refusais de faire partie du mauvais clan. DJ Wick m'a mis en pratique pour éviter le mauvais chant. J'étais barjot et aujourd'hui je veux y retourner. Mais quand tu vois que ça m'a marqué, la page ne veut plus tourner. L'époque de l'AFF, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg. 2001. Nos premières armes lyricales dans une chambre. 2001. À tous ceux qui se reconnaîtront. La belle époque. 2001. 2001. Pour toujours et à jamais. 2001.